La vie est pleine de surprises, j'ai des yeux dans le dos. Si je pouvais, je me ferais tatouer des aides sur la peau. Je sais d'où je viens, la parole d'un homme vaut plus que 200 000. La valeur du bif, même 2 millions, je donnerai pas mes amis. J'ai beau chercher, je ne trouve pas le chemin qui mène à ton cœur. Juste un détail qui me troublera. On s'était dit à tout à l'heure. J'ai le parquet, j'ai des ennemis, des marabouts sur mon dos. Je suis victime de mon succès, y'a qu'au placard, j'ai du repos. Le calibre court mais le canon gros. La bonté du cœur, j'ai que ça en trop. En termes de tueur, je connais les pros. Rien ne sert de regarder les rétros, yeah. Je sais que j'ai de l'oseille, je sais que t'es bonne. Je sais que j'en ai crossé, je sais que t'es folle. J'essaie d'oublier le passé, le temps n'efface pas les efforts. Je sais que j'ai de l'oseille, je sais que t'es bonne. J'ai pris le premier calibre en main lorsque j'avais 3 ans. J'décale ton string sur un yacht, un verre à la main, je vois dans l'autre, sur la lune, forme un croissant. Et puis ma Patek Nautilus me le confirme, je suis dans les temps que ma mère me lavait le cul. Hey gros putain de canicule au mitard, ferait mes registres, crois-moi, je l'ai vécu. Oui, sans choquer, j'ai le salaire de 2 années. C'est résidentiel, présidentiel, j'étais pauvre, j'ai ma place au palais. Ceux qui ont fait la guerre à mes ancêtres ont des enfants qui maintenant sont des valets. J'ai pas fait l'école mais je maîtrise le bif, je suis un pro d'un compta. Tu sens le PGP dans la chicha, fils de pute, tout le monde sait que dedans t'as aucun contact. Tu perds tes profits, j'te fais un croquis, ton tête éclatée, moi sur pilotis. Tu sais ma chérie, j'te paye du Gucci, n'oublie pas petit, j'volais chez Tati. J'suis pas dans un film, t'auras confirmation quand tu croiseras mon père. J'peux te faire éclater, ta mère la pute, dans les condés, rond pas d'obèque. Avoir beaucoup d'amis, c'est comme pas en avoir. On a des cravates, ils ont des bavoirs. 11-43, fallait pas le voir. Qu'il allait te rater, fallait pas le croire. Te niquer ta mère et traiter à terre. Avec un pâteau sans père, on nous forme en deux pères. Là où tu perds, c'est mon repère. J'prends un bol d'air sur la tombe au grand-père. Ok, tampon, lacrime, formule adéquate. Toute l'année, j'fais des concerts, j'vends de la zipette, et qu'on envoie des boîtes. La philosophie dans les quartiers, avant de brasser, c'est de rester vivant. Sur la tête de ma vie, je veux pas de gracier, millionnaire qui danse sur le vivant. Je suis à Monaco dans une baie de suite, j'ai 24 cm de talent. J'ai les fils de généraux, j'ai le bras long. Je suis le patron, litron, Audi Q7, quadro, n'en fais pas trop. Hey gros, théâtre, marbé, j'ai tout cassé, placé, lassé, tassé. Dans la rue, je suis leur fidèle Castro. Ouais, gros. Je sais que j'ai de l'oseille, je sais que t'es bonne. Tu sais que j'en ai crossé, je sais que t'es folle. J'essaie d'oublier le passé, le temps n'efface pas les efforts. Je sais que j'ai de l'oseille, je sais que t'es bonne.